saura que c'est clair. Notre printemps n'en sera que plus beau. أخضر من يوان أشتد في لسان غزر ويحفال أنا الدام الهيم ما زلت بالغرب فاللي ضالة صغيم الطويم أدام الهيم de la lumière au cœur, on l'emploie aussi sur les êtres humains. Et notamment lorsqu'il y a aussi des maladies, des épidémies chez nous, alors qu'il n'y avait pas d'hôpitaux ni de médicaments, quand ça emportait les nouveau-nés, souvent, pour conjurer un peu le sort, on les appelait idées dans l'espoir que celui-là survivra. Voilà. Ne kini mayr li ribawa